Figaro va être agréablement surpris de constater que ce rendez-vous n'était qu'un jeu entre Suzanne et la comtesse pour piéger le comte. Celui-ci, convaincu d'infidélité, se jette aux genoux de sa femme pour lui demander un pardon que la comtesse lui accorde en riant. Et Figaro pourra épouser Suzanne.